Sarko, écoute-moi bien, mon vieux. Ouvre ton esprit si tu le peux. La guerre des joints n'aura pas lieu. Au pays, tout est merveilleux. Sois tolérant de temps en temps. Dame nature cajole ses enfants. Pose-toi tranquille à la campagne. Et sans respirer la montagne. Au fond de toi, tu te sens mieux. La vérité est dans nos yeux. Sois tolérant de temps en temps. Dame nature cajole ses enfants. Garde ton arsenal judiciaire et ta répression policière pour des causes un peu plus guerrières que de la fumée sur nos paupières. Sois tolérant de temps en temps. Dame nature cajole ses enfants. Y'a de l'alcool dans tous les bistrots. C'est en vente libre, oui mais bientôt. Tu vas supprimer l'apéro pour imposer l'ordre nouveau. Sois tolérant de temps en temps. Dame nature cajole ses enfants.